n'a pas tous dans la vie des billets entre les doigts pour se payer ce qu'on veut, monsieur Martin. Vous qui êtes plein d'argent, vous qui en avez le droit, savez-vous que vivre ainsi, c'est pas bien? Nous, on couche sous les ponts, nos cheveux comme oreillers. Une fille qui nous aime, ça nous suffit. On n'a pas besoin de sous, on ignore tous les banquiers. On aime mieux coucher dehors que dans un lit. Monsieur Martin, vous qui êtes plein d'argent, vous qui en avez le droit, savez-vous que vivre ainsi, c'est pas bien? Pour nous voir, les gens s'arrêtent, ils se disent qu'on est. Malin, vous pensez que nous sommes sales, le sommes-nous autant que vous? Si on joue l'école cassée, c'est qu'on veut bien. On n'a pas tous dans la vie les billets entre ce qu'on veut, monsieur Marc.